Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Ce week-end à Montereau, en Seine-et-Marne, plus de 500 volontaires habillés en grognards ont reconstitué la dernière victoire de Napoléon le 18 février 1814. On fêtera demain le bicentenaire de la bataille de Montereau. Franck Ferrand évoque pour nous ce grand événement. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Jusqu'ici, et rappelez-vous notamment la campagne de Russie dont nous avons largement célébré les différents épisodes, c'était en 2012 bien entendu. Jusqu'ici, Napoléon s'était battu hors des frontières nationales, des frontières qu'il avait du reste repoussées. C'est loin, rappelez-vous. En 1814, rien ne va plus. L'Europe coalisée est entrée sur le territoire français. Elle étrangle peu à peu les armées de l'empereur qui, trois semaines durant, va devoir se terrer lui-même dans Fontainebleau avant d'abdiquer. C'est ce que je vais vous raconter. Et dans son costume de grognard, je reçois Yves Jégot, le député de Montereau, auteur d'un récit sur la campagne de France en 1814, publié chez Talendier. Et à la fin de l'émission, vous répondrez à la question de Cédric sur les origines du découpage du territoire en département. Sujet d'actualité, au moment où il est question de supprimer l'échelon départemental. J'y répondrai tout à l'heure, volontiers. Pour le moment, voyez déjà toutes ces troupes d'Autriche et de Württemberg qui resserrent les taux autour de Fontainebleau. Vous, je ne sais pas, moi j'ai déjà fait le saut deux siècles en arrière. Europe 1. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Ce fut, si l'on excepte la bataille de Waterloo, qui n'est pas une campagne, ce fut la dernière vraie campagne de Napoléon, un défi perdu d'avance en vérité, et qui pourtant, de l'avis unanime des historiens militaires, restera dans les mémoires comme sa plus belle campagne. Avec l'énergie, avec l'audace insensée de celui qui joue la survie de son régime et n'a plus rien à perdre, Napoléon va faire face en effet 4 mois durant à d'immenses forces issues de la 6e colonie et réunissant Russie, Prusse, Angleterre, Suède, Autriche et plusieurs États allemands, dont le Württemberg, nous allons le voir, toutes ces puissances liguées contre la France napoléonienne après la désastreuse campagne de Russie, dont nous parlions donc il y a un peu plus d'un an. 1 million d'alliés qui cette fois ont le dessus dans une sorte de contre-offensive finale, dans une contre-offensive de la dernière chance. Ils ont osé pénétrer sur le territoire et les voilà qui maintenant grignotent de jour en jour du terrain. 1 million d'hommes déterminés face à quelques 350 000 Français seulement, réunis à grand-peine pour tenter d'endiguer cette invasion. Et encore parmi ces Français, beaucoup de conscrits très jeunes, inexpérimentés, les fameux Marie-Louise de la classe 1814. Les alliés ont un objectif évident, c'est Paris. Et ce ne sont pas les coups de génie de Napoléon qui, en dépit de quelques victoires incroyables, vont pouvoir y changer quelque chose. Disons-le, les Français, dans toute cette campagne, ne vont faire que retarder l'issue inéluctable. Voici donc l'ultime, ou plus exactement la pénultième phase de l'épopée napoléonienne. Aucun général n'a été aussi grand que Napoléon pendant cette campagne de France, dira Hubert Camon. Or, chaque jour, en ce début d'année 14, la coalition gagne donc du terrain. Elle progresse en France, bientôt en Île-de-France, toujours plus près de la capitale. Le 14 février, les troupes du général autrichien Arteg investissent la ville de Montereau. Montereau pillée, saccagée, violée, martyrisée, au point que Napoléon, tel un fauve blessé, va se ruer à son secours. Attention, panique dans les rangs. Le 18 février, le prince royal de Württemberg, qui maintenant tient cette ville de Montereau, apprend que Napoléon en personne vient s'occuper de son cas. Vous imaginez les sueurs froides dans ses rangs. Napoléon dirige la manœuvre depuis le plateau de Surville. On retiendra notamment le courage d'un escadron de conscrits du 3e hussard, des gamins qu'on a mis comme ça sur des chevaux qui savent à peine tenir en selle, dont certains, dit-on, vont charger en oubliant de tirer leur sabre. On n'a même pas eu le temps de leur apprendre ce réflexe élémentaire. C'est le général Pajol qui les commande. Il deviendra le héros de Montereau. Les jeunes cavaliers de Pajol, tout inexpérimentés qu'ils soient, fondent littéralement sur les bataillons d'Autriche et de Württemberg, les démantèlent, font 5000 prisonniers, prennent toute l'artillerie. Bref, le soir même, Napoléon peut serrer Pajol dans ses bras avant de passer le pont de Montereau. Un pont de Montereau célèbre, mais alors pour un tout autre épisode historique dans lequel, évidemment, je ne m'aventurerai pas aujourd'hui. Napoléon entre dans la ville et savoure sa victoire. Mais il en est bien conscient, cela ne change rien au problème. À la mi-mars, les ateliers, les coalisés seront à 4 jours de marche de Paris. Après la bataille d'Arcis-sur-Aube, le 19, 21, 22 mars, la route de la capitale leur est ouverte. La campagne de France aboutira finalement à l'abdication de Napoléon et à son exil sur l'île d'Elbe. Seulement voilà, entre la prise de Paris, le 31 mars 1814, et le départ pour l'île d'Elbe, le 20 avril, il se passe 3 semaines, 20 jours exactement, que Napoléon va passer encerclé dans son cher palais de Fontainebleau. Le célèbre Caulaincourt, ministre des Relations extérieures, en quelque sorte porte-parole de l'empereur aux abois, a raconté cette agonie de Fontainebleau. Fin mars, le fils de Napoléon, le roi de Rome, et sa mère, l'impératrice Marie-Louise, ont été évacués du côté de la Loire, à Blois. Joseph, le frère de Napoléon, a été nommé lieutenant général de l'Empire. C'est lui qui est censé assurer la défense de Paris. Depuis Montmartre, Joseph voit déferler sur la ville les armées jusque-là concentrées dans la plaine Saint-Denis. Dans son beau livre « Les 20 jours de Fontainebleau », Thierry Lenz le dit clairement, je cite « Joseph fit savoir au maréchaux qu'il se retirait sur la Loire pour respecter l'ordre de l'empereur de ne pas quitter le roi de Rome et que s'il ne pouvait tenir, il les autorisait à entrer en négociation, à livrer Paris et à le rejoindre ensuite. Des négociations qui vont donc s'ouvrir dès 16h ce 31 mars. Le tsar Alexandre Ier exige une reddition pour le lendemain, faute de quoi Paris serait livré aux rigueurs de la guerre. En échange de la capitulation, il consentit que les défenseurs évacuent la ville avec armes et bagages, nous dit Thierry Lenz. La capitulation est donc conclue. Or, pendant ce temps-là, Napoléon est en route pour Paris. C'est à Fromenteau, où il s'est arrêté pour passer la nuit du 30 au 31 mars, au relais la Cour de France, c'est à Fromenteau qu'un messager lui apprend que sa capitale est sur le point de se rendre. Colère de Napoléon. Vous me direz, des colères, il en a piqué un certain nombre dans sa carrière, mais cette campagne de France est particulièrement riche de ce point de vue. L'empereur est furieux, il traite son frère de lâche, Joseph est un con, et Clark, c'est le ministre de la guerre, un Jean foutre ou un traître, hurle-t-il. Et pour la première fois peut-être, les témoins voient Napoléon céder à un véritable accès de désespoir. Est-ce qu'il faut feindre de négocier avec les Russes et les Alliés, puis reprendre le combat, ou bien se battre d'abord et négocier en force? Visiblement, Napoléon est perdu, ce soir-là il ne sait que faire, et Caulaincourt écrit « Je ne me permis aucune réflexion, admirant sa force de caractère, cette fierté qui lui faisait préférer, dans ce pressant danger, de perdre son trône à ce qu'il appelait la honte de souscrire à certains sacrifices. » C'est le lendemain que Napoléon va prendre la décision de fixer son quartier général au château de Fontainebleau. Fontainebleau est la résidence impériale la plus proche, évidemment. Il prévient l'impératrice Marie-Louise dans une lettre qui est restée célèbre. « Mon ami, je me suis rendu ici pour défendre Paris, mais il n'est plus temps. La ville avait été rendue dans la soirée. Je réunis mon armée du côté de Fontainebleau. Ma santé est bonne. Je souffre de ce que tu dois souffrir. » Comprenez bien ceci. À ce moment-là, dans l'esprit de l'empereur, tout est encore possible. Il se dit qu'il pourrait peut-être réussir. Après tout, il dispose de 2 jours pour former une armée. Beethoven sur Europe 1, un extrait du deuxième mouvement de la 7e symphonie, dirigé par Herbert von Karajan. Revenons aux dernières semaines de l'Empire avec vous, Franck Ferrand. Napoléon arrive au château de Fontainebleau le 31 mars, très tôt, hein, il est 6h du matin, et selon des ordres qu'il avait donnés lui-même, tout a été démeublé. On a retiré les meubles précieux, tout ce qui pourrait être trophée, avait-il demandé, en cas d'une occupation par l'ennemi, bien entendu. Donc il faut imaginer un château où vous n'avez plus les grands lustres, où vous n'avez plus de pendules, où le mobilier important a été évacué, le mobilier a été caché même. Vous voyez un peu l'ambiance dans ce que Napoléon qualifiait lui-même de vraie demeure des rois, de maison des siècles. Tout de suite, l'empereur va préparer sa contre-offensive, il rencontre le préfet de Seine-et-Marne, il charge Berthier de regrouper toutes les forces disponibles. Quant aux coalisés, eh bien les coalisés, de leur côté, ont pris possession de la capitale. Les troupes alliées sont entrées dans Paris par la porte Saint-Martin. Le tsar Alexandre, le prince Schwarzenberg, le Frédéric Guillaume de Prusse sont là, à la tête de ces troupes. Et, contrairement à ce qu'on pourrait croire, une grande partie des Parisiens les applaudissent. Certains crient « Vive les Bourbons, vive le roi !» À 15h, les alliés vont mener une grande revue de leurs troupes sur les Champs-Élysées. On parlait de ça l'autre jour dans l'émission sur les Champs-Élysées. Hein. Ça a été un des fameux grands défilés qui ont marqué l'histoire de cette avenue. À 17h, Talleyrand, monsieur de Talleyrand, qui se trouve sur place évidemment et volontairement à Paris, Talleyrand reçoit le tsar Alexandre. L'heure est aux grandes décisions. Il s'agit d'exclure Napoléon du pouvoir et de faciliter son remplacement par le frère de Louis XVI, le roi Louis XVIII, qui attend, enfin en tout cas pour tous ceux qui sont restés fidèles à la monarchie. Talleyrand propose de prendre la tête d'un gouvernement provisoire destiné à préparer ce retour des Bourbons sur le trône. Dans la soirée, une proclamation signée Alexandre est placardée dans les rues de la capitale. Je cite un extrait. « Les armées des puissances alliées ont occupé la capitale de la France. Les souverains alliés accueillent le vœu de la nation française. Ils déclarent que si les conditions de la paix devaient renfermer de plus fortes garanties, lorsqu'il s'agissait d'enchaîner l'ambition de Bonaparte, elles doivent être plus favorables encore lorsque, par un retour vers un gouvernement sage, la France elle-même offrira l'assurance de ce repos. » L'empereur, enfin le tsar de Russie et les alliés se montrent relativement conciliant. Alors à Fontainebleau, Napoléon regroupe son ancienne garnison de Paris, puis la garde impériale, deux bataillons de gendarmerie également. Dans la matinée, il réunit ses principaux maréchaux, il y a Lannes, Oudinot, Lefebvre. Le but, c'est de préparer le plan de ce qui devrait être la bataille de Paris. Le moins qu'on puisse dire, c'est que les maréchaux ne sont pas chauds. Ils parlent plutôt de se retirer sur la Loire. Napoléon n'en croit pas ses oreilles. Il ordonne à Marmont de se préparer avec 10 000 soldats et de prendre la direction de Paris. Problème, Marmont n'a que 4 000 hommes à sa disposition. Qu'à cela ne tienne, Napoléon continue de dicter ses ordres. À Paris, Talleyrand, lui, réunit le Sénat. 64 sénateurs sont présents. Il désigne un gouvernement provisoire de 5 membres, dont Talleyrand évidemment prend la tête. Le lendemain, les sénateurs iront jusqu'à recevoir Alexandre Ier. Il proclame « Soldats, il est temps de finir les maux de la patrie. Vous n'êtes plus les soldats de Napoléon. Le Sénat et la France entière vous dégagent de vos serments. » On peut dire que les choses marchent d'un cours inexorable. À Fontainebleau, tout s'accélère. Caulaincourt est de retour le 2 avril au soir. L'empereur, à ce moment-là, ne sait pas tout de la situation dans la capitale. C'est Caulaincourt qui l'informe. Il vient, il lui chuchote à l'oreille, dit-on, dans la cour où Napoléon était en train de passer des troupes en revue. Le tsar a donné des garanties. Napoléon sera traité convenablement s'il se rend. On lui assurera un avenir confortable, mais hors de l'Europe continentale. Pour l'empereur, la nuit qui s'annonce sera longue. « Je ne tiens pas au trône, » écrira-t-il. « J'aime mieux quitter le trône que de signer une paix honteuse. » Et il dit à Caulaincourt, « Les Bourbons seuls peuvent accepter l'humiliation qu'on impose aujourd'hui à la France, car ils n'ont point de sacrifices à faire. Ils la retrouvent telle qu'ils l'ont laissée. » Au fond de lui, on peut dire que Napoléon garde un certain espoir. À Paris, le 3 avril, le Sénat se réunit et à 16h, il vote la déchéance de Napoléon. À ce moment-là, à Fontainebleau, Napoléon est en grande conversation avec Berthier. Il s'agit pour lui de renforcer la sécurité de sa famille sur la Loire. Quand l'empereur apprend, on est un peu plus tard dans la soirée évidemment, que le Sénat a voté sa déchéance et qu'un gouvernement provisoire a été désigné, sa première réaction est de vouloir se rendre lui-même à Paris pour récupérer sa ville. Il le confie d'ailleurs à l'un de ses grenadiers. « Dans peu de jours, j'irai attaquer Paris, dit-il. Je compte sur vous, ai-je raison ?» Il faut dire qu'à Fontainebleau se rassemblent de plus en plus d'officiers, ces hommes qui sont là, confiants, exaltés, qui communient dans une sorte de dévotion à l'empereur, ce qui crée un climat peu propice à la lucidité, évidemment, de Napoléon. Le lendemain, les préparatifs de la bataille continuent. À midi a lieu, comme chaque jour, la revue des troupes, sauf qu'à la fin de cette revue, au moment où Napoléon rentre dans ses appartements, survient un incident. Alors là, il y a deux versions. La version officielle, dans laquelle les maréchaux Berthier, Ney, Lefebvre, Moncey, Oudinot interceptent Napoléon dans son cabinet de travail, il ne les y attendait pas. Et puis une version officieuse, selon laquelle c'est Napoléon qui leur aurait demandé de le rejoindre en vue de les briefer, comme nous dirions aujourd'hui, sur le moral des troupes. Le fait, en tout cas, est que les maréchaux lui conseillent d'abdiquer. Bien plus tard, à Sainte-Hélène, Napoléon écrira qu'un de ses maréchaux lui a dit « C'est par dévouement à votre personne et à votre dynastie que nous nous sommes décidés à déchirer le voile qui vous cache encore la terrible vérité. Tout est perdu si votre majesté hésite à déposer la couronne sur la tête de son fils. À ce seul prix, la paix est possible. L'armée est fatiguée, découragée, désorganisée. La défection est dans tous les rangs. On ne peut pas penser à rentrer dans Paris car tout effort pour l'essayer serait répandre un sang inutile. » Et là, on peut dire que, pour la première fois, Napoléon va montrer qu'il doute. Il demande à Caulaincourt d'aller négocier avec les alliés. Celui-ci essaie d'éviter la pénible mission. La journée s'achèvera par l'abdication conditionnelle de Napoléon. C'est Caulaincourt qui l'a finalement convaincu de se retirer ainsi. Voici ce qu'écrit Napoléon. Les puissances alliées ayant proclamé que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il est prêt à descendre du trône, à quitter la France et même la vie pour le bien de la patrie, inséparable des droits de son fils, de ceux de la régence de l'impératrice et du maintien des lois de l'Empire. Bref, Napoléon exige un traité de paix et un lieu de retraite. Le lendemain, le ralliement de Marmont au camp d'en face va cependant changer la donne. Là, d'un seul coup, le tsar Alexandre constate que l'armée n'est véritablement pas unie derrière Napoléon. Alors, il va refuser cette abdication conditionnelle. Il exige, le tsar exige à présent, que l'empereur abdique sans condition. Et il promet que dans ce cas, mais dans ce cas seulement, il ne lui sera fait aucun mal. Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à la suite de votre récit sur les 20 jours de Fontainebleau dans un instant sur Europe 1. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, aux dernières semaines de l'Empire. Il faut imaginer ce que peut être la colère de Napoléon en apprenant cette trahison du maréchal Marmont. Qui aurait pu croire cela de Marmont, hurle-t-il. Un homme avec lequel j'ai partagé mon pain, que j'ai tiré de la misère, dont j'ai fait la fortune et la réputation. Ah, l'ingrat! Oh, il sera plus malheureux que moi. J'aime bien cette dernière phrase qui est sans doute assez juste du reste. Sur quoi parvient la réponse du tsar à sa proposition ? L'abdication conditionnelle est refusée. Seulement, l'empereur confirme qu'il ne veut pas abdiquer sans que soit reconnue la régence. Il songe encore à des projets de bataille contre Paris. Mais assez vite, il doit bien les laisser de côté. Alors il va rédiger une nouvelle lettre d'abdication. Je vous en cite un extrait. Les puissances alliées ayant déclaré que l'empereur Napoléon était le seul obstacle au rétablissement de la paix en Europe, l'empereur, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce pour lui et ses héritiers au trône de France et d'Italie et qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à faire aux intérêts de la France. Inutile de vous dire que là, ça commence à sentir le roussi, évidemment, et qu'au palais de Fontainebleau, peu à peu, les officiers commencent à se faire nettement moins nombreux. À Paris, la royauté est officiellement rétablie. Louis XVIII est solennellement appelé au pouvoir et on peut voir place Vendôme, comme avant la Révolution, flotter le drapeau blanc à fleur de lys. C'est le 11 avril 1814 que sera finalement signé le traité dit de Fontainebleau. Napoléon renonce au trône de France et d'Italie pour lui, pour ses successeurs, pour tous les membres de sa famille. Il conserve tout de même son titre d'empereur et on lui accorde l'île d'Elbe avec 2 millions de revenus annuels. Quant à l'impératrice, on lui donne quelques duchés en Italie dont le roi de Rome, en temps utile, pourra hériter. Déjà, le comte d'Artois, le futur Charles X, le frère de Louis XVIII, entre à Paris, on est le 12 avril. Il a été nommé par son frère lieutenant général du royaume, il est accueilli par Talleyrand et surtout par les Parisiens en liesse. À Fontainebleau, Caulaincourt trouve un Napoléon transformé. L'empereur paraissait très préoccupé, écrit-il. Sa voix était altérée, il évoquait des souvenirs d'un passé plein de gloire, se désespérait de l'état d'humiliation où se trouvait la France. Je ne sais pas si c'est la France qui est humiliée ou son propre régime, en l'occurrence. Napoléon écrit dans la nuit du 12 au 13 avril à Marie-Louise, avant d'absorber du poison à 3h du matin. Il explique à Caulaincourt, Marais, Bertrand, Fin, qu'il ne peut pas survivre au déshonneur de la France et à l'ingratitude des hommes. Caulaincourt raconte ce que l'empereur lui aurait confié au cours de cette fameuse nuit. « Ce n'est pas la perte du trône qui me rend l'existence insupportable, c'est la bassesse, c'est la hideuse ingratitude des hommes. En présence de leur lâcheté, de leur impudeur, de leur égoïsme, j'ai détourné la tête avec dégoût et j'ai pris la vie en horreur. La mort, c'est le repos enfin. » Déjà pris de convulsions, Napoléon va cependant être sauvé par le chirurgien Ivan qui lui fait boire un contrepoison. Entre parenthèses, on ne peut s'empêcher de songer à ce qu'il serait advenu si Napoléon était mort cette nuit-là. Peut-être que la situation en Europe aurait été beaucoup plus simple. Le 13 avril, Napoléon signe une copie du traité de Fontainebleau et les généraux quittent le château. Sur les dizaines de milliers de soldats qui l'entouraient encore 3 jours plus tôt, il ne reste plus qu'environ 2000 hommes. On prépare déjà le départ. 400 de ces soldats, vous savez, qui ont été triés sur le volet, ça a été un déchirement pour lui d'ailleurs, vont l'accompagner sur l'île d'Elbe. Et voilà le jour du départ, le 20 avril 1814. Napoléon s'est levé à l'aube. À 8h, il salue les officiers. Ils sont une vingtaine présents au château. Et il va faire cette fameuse déclaration, les célèbres adieux. « Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Depuis 20 ans, je vous ai trouvé constamment sur le chemin de l'honneur et de la gloire, etc. » Alors on apprenait ça à l'école il y a encore pas si longtemps, moins maintenant malheureusement. Mais ce qu'on n'apprenait pas sont les phrases suivantes. « J'aurais pu pendant 3 ans livrer la guerre civile, mais la France n'en eût été que plus malheureuse et sans aucun résultat. Et plus loin, une partie de l'armée m'avait trahi, dit-il. » Là, c'est quand même très fort. Et alors cette phrase incroyable, qu'a retrouvé Thierry Lenz et qui est sidérante, il s'adresse à sa vieille garde. « Vous servirez toujours avec gloire et honneur et vous serez fidèle à votre nouveau souverain. » C'est de Louis XVIII qu'il parle là. S'avance déjà une centaine de chasseurs, dragons, grenadiers à cheval. Napoléon prend place dans la berline à 6 chevaux de Drouot avec marchands. Le voilà déjà parti pour l'île d'Elbe. Et l'on peut dire que Fontainebleau, soudain, a l'air bien triste et comme abandonné. Bonjour Yves Jégot. Bonjour. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un flashback en quelque sorte et de revenir sur les semaines précédentes, celles de cette ultime campagne napoléonienne, la très brave et très désespérée campagne de France. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la campagne de France cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, et votre invité Yves Jégot, député de Seine-et-Marne, maire de Montereau, auteur de la campagne de France 1814 aux éditions Talendier. Alors Yves Jégot, dans votre ouvrage, vous revenez, vous aussi, on est à la fin bien entendu, puisqu'on va encore une fois repartir sur les 3 mois qui ont précédé tous ces événements, mais vous revenez sur cette tentative de suicide de Napoléon, dont vous dites qu'on ne sait pas si c'était véritablement une volonté de mourir, mais probablement tout de même. Oui, on a du mal à savoir s'il a vraiment été jusqu'au bout, si la dose de poison absorbée était suffisante, mais peu importe, enfin que celui qui était l'empereur des Français, qui avait déployé une telle énergie au cours des 20 années précédentes, en soit amené à vouloir se suicider. C'est un événement considérable s'il avait été au bout, vous l'avez dit tout à l'heure, et je pense que l'histoire aurait été modifiée. Mais surtout, je trouve qu'il y a beaucoup d'humanité dans ces moments-là, et qu'on sent l'homme seul, qu'on le sent abandonné de tous, qu'on le sent inquiété. inquiet pour sa famille. On voit tous partir, hein, de Fontainebleau, c'est les uns derrière les autres. Enfin, c'est un délitement. Et les trois mois précédents de la campagne de France, c'est ce délitement de semaine en semaine où il voit Murat l'abandonner, sa sœur l'abandonner, son frère Joseph qui n'a pas brillé à Paris par son courage. Enfin, qui a rarement brillé, Joseph. Qui a rarement brillé, mais encore plus à ce moment-là. Et on sent cet homme qui s'enferme dans la solitude et on peut l'imaginer seul face à lui-même, absorbant son poison dans le château de Fontainebleau. Enfin, il y a quelque chose de très humain à ce moment-là qui, moi, m'a beaucoup touché et qui est loin du personnage qui a triomphé de l'histoire. Alors, si vous vous êtes intéressé évidemment à cette campagne de France dont on célèbre en ce moment le bicentenaire, c'est parce que vous êtes le député de Montereau tout de même. Enfin, le maire de Montereau, oui, effectivement. Et le maire de Montereau. Donc, vous connaissez bien les lieux de cette bataille et vous en avez sans doute toujours entendu parler. Il y avait beaucoup d'injustices autour de la bataille de Montereau parce qu'elle n'était pas rentrée dans le catalogue des batailles devenues célèbres et pourtant c'était sans doute l'ultime victoire militaire. Vous l'avez dit fort bien au début de l'émission, la charge de Pajol, la présence de Napoléon a résumé beaucoup de choses à Montereau. D'abord, il a gagné. Il a gagné, ce qui était, dit-on, sa dernière joie de soldat. Ensuite, il a gagné... Pardon, si je puis me permettre, une joie qu'il a manifestée, puisque on le voit sur le champ de bataille rire aux éclats, et on le voit aussi montrer à un groupe de jeunes artilleurs comment se servir d'une batterie de canon lui-même. Hein, donc, on retrouve presque l'enthousiasme d'Austerlitz. Exactement. Les historiens disent qu'il avait rechaussé les bottes de Bonaparte à ce moment-là, mais on le sent heureux. Il décore le maire de Montereau. Il lui remet à mon lointain prédécesseur la Légion d'honneur pour le remercier. On le sent effectivement très heureux. Et on imagine qu'il pense encore que tout est possible. Et c'est la force de toute cette campagne de France. C'est qu'il y a des moments de doute, mais il y a beaucoup plus de moments de certitude, alors que tout le monde autour de lui, même les plus fidèles, n'y croit plus. Il est le seul à y croire. Et ça, pour moi, voir un personnage arriver à ce moment de son histoire personnelle, croire encore dans son destin et dans la capacité de inverser les choses, c'est ce qui fait que deux siècles après, on en parle encore. Oui, mais est-ce qu'en même temps, ça n'est pas un mystère? Comment cet homme, qui était sans doute le mieux à même de juger de tous les rapports de force, qui sur l'ensemble des théâtres d'opération de toute l'Europe avait réussi à se montrer d'une lucidité presque sidérante, comment a-t-il pu penser, à partir du moment où ce million de soldats venant d'une quinzaine de puissances réunies, coalisées, étaient en train d'entrer de partout sur le territoire français, comment a-t-il pu penser qu'il allait encore réussir? D'après vous, où trouvait-il le ressort de cet espoir? Il y avait un double pari, à mon sens. D'abord, le pari du militaire, qui se pensait plus fort et plus génial que tous les autres, et même les coalisés le reconnaissent à un moment. On parle du maître de guerre qu'il est encore à ce moment-là. Son génie militaire qu'il a toujours porté, qui a forgé sa carrière, il y croit encore. Puis il y avait un deuxième élément, qui est le fait que le peuple était avec lui. Il y avait une coalition des paysans, des Français, à travers ce qu'on a appelé le mouvement des blouses bleues. Alors, c'était pas les bonnets rouges, c'était les blouses bleues à l'époque. Il y avait une révolte populaire face aux violences des coalisés. Les Cosaques, les Uhlans sont restés tristes mémoires dans l'histoire française à partir de 1814. Il y a eu des massacres, il y a eu des scènes d'horreur absolue à l'occasion de cette guerre sur le territoire national. Et Napoléon pensait qu'en ayant mobilisé les Français avec lui, les villages, les villageois, les habitants de Montereau qui se sont révélés pendant la bataille de Montereau tout à fait exceptionnels, son génie militaire en plus, les divisions tout de même entre les grands chefs des armées coalisées, entre le vieux Blücher et Schwarzenberg, il imaginait que c'était encore possible de retourner la situation. Et les quelques belles victoires qu'il a eues pendant ces trois mois lui donnaient toute raison d'y croire. Il faut dire que pour une fois, il se battait sur le territoire national et il se battait pour défendre le pays. Ça, c'était tout à fait nouveau pour Napoléon qui, jusqu'ici, qu'il ait été le général Bonaparte ou qu'il ait été l'empereur Napoléon, s'était toujours battu dans des grandes offensives extérieures. Hein. C'est-à-dire qu'on était d'habitude, on était l'agresseur. Cette fois, on est l'agressé, si je puis dire. Ça change tout. Mais oui. Et ça change tout. Je raconte dans le livre qu'en décembre 1813, il est interrogé par un soldat qui lui dit, en gros, on veut bien retourner faire la guerre, mais on veut pas sortir des frontières. On veut bien défendre la patrie, on veut bien défendre le territoire, mais on ne veut pas repasser les frontières. Et là, il a compris que le peuple était usé, fatigué, et qu'il ne mobiliserait le peuple que pour défendre la patrie. On parlait l'autre jour du maréchal Ney à ce micro, et c'était l'obsession en quelque sorte du maréchal Ney, se battre, si c'était pour restaurer les frontières du Grand Empire, jusque-là, admettons, mais pas au-delà, c'en était fini, y compris dans l'esprit des plus entreprenants des maréchaux de l'empereur, c'en était fini de cette espèce de volonté de puissance et d'extension, en fait. Tout le monde en avait assez, on voulait la paix, et même dans le peuple, ceux qui étaient favorables à Napoléon voulaient la paix, quand même, ça c'est important. Il n'a plus de moyens, il faut dire que la campagne de Russie a singulièrement décimé la grande armée. Il n'y a plus de grande armée. Enfin, il rassemble à coup de levée en masse 350 000 hommes sur le papier. Mais au fond, il n'arrive pas à les 350 000. On est à 200 000 environ, en fait. Au maximum, avec des gens inexpérimentés, il n'y a plus de chevaux, il n'y a plus de moyens. Ce sont des troupes. Et ce sont des gamins, en plus. Qui pourtant remportent des victoires comme à Montereau. Et, oui, voilà. Et c'est sans doute ce qui, au fond de lui, faisait sa flamme. C'est que même sans moyens, même à 3 contre 10, il arrivait encore à marquer des points, à effrayer les ennemis. Sa seule présence, quand il arrive à Montereau, il y a 2 siècles aujourd'hui, presque heure pour heure, les troupes coalisées crient Napoléon et Napoléon en s'enfuyant à pied de sa simple vision. C'est inimaginable de penser que la vision seule de Napoléon pouvait faire fuir ceux qui étaient infiniment plus nombreux. Oui, il faisait peur, il était vraiment là devenu l'ogre. Il faut dire aussi que toute la propagande des coalisés n'avait fait que grandir aussi l'image effrayante qu'il avait pu finir par leur opposer. En revanche, il arrive à galvaniser sa troupe, je disais, particulièrement jeune. Il faut parler de ces Marie-Louise qui ont été... On est vraiment allé chercher ce qu'il y a de plus jeune dans les campagnes jeunesse, de France. L'inexpérience, les Marie-Louise en hommage à l'impératrice, et une espèce de fougue qu'il a utilisée à plein. Il a su... il sentait ses maréchaux, ses généraux, ses lieutenants usés, fatigués, épuisés. Il avait créé une bourgeoisie impériale qu'il avait abandonnée. Il a fait le pari de la génération suivante, mais c'est un vrai pari politique. Je vais chercher la génération suivante et je compte sur elle pour montrer que la France ne veut pas se laisser envahir, elle ne veut pas tomber. Ça a failli marcher. Le sous-titre de mon ouvrage, c'est l'impossible victoire. On était vraiment à 2 doigts de la victoire. Oui. Cet homme-là aura finalement bouleversé toutes les lignes constamment et il était capable de renverser des montagnes, ça c'est stupéfiant. Ce week-end à Montereau, vous avez reconstitué la bataille, alors comment ça s'est passé? Il y avait des centaines de figurants en quelque sorte? C'est extraordinaire comment en Europe, des milliers de personnes chaque week-end endossent les uniformes de l'armée et des armées de l'époque et participent à des reconstitutions. Effectivement, à Montereau, nous avons accueilli plus de 650 d'entre eux pour une formidable reconstitution pendant 2 heures avec des charges, des chevaux, des canons. Il y avait plus de 10 000 personnes qui étaient rassemblées en centre-ville. C'est un spectacle incroyable. D'autant plus incroyable pour les plus jeunes générations, c'est que c'est l'histoire vivante avec de la chair, du sang, le bruit du canon, l'odeur de la poudre. Et il manque heureusement que le sang et il n'y a pas eu de blessés, je rassure tout le monde. Mais c'est une façon de rentrer dans l'histoire, de faire se réintéresser à l'histoire qui est tout à fait exceptionnelle. Et moi, je suis toujours surpris de voir ces Russes, ces Hongrois, ces Italiens passer 2 nuits en bus pour venir passer quelques heures à Montereau et rejouer ce qui s'est joué il y a 2 siècles. Et bien entendu, les spectateurs étaient au rendez-vous. Très nombreux. Montereau est une petite ville de 17 000 habitants. On a dû accueillir presque le double de notre population sur 2 jours, ce qui était totalement incroyable. Et il y avait le soleil, non pas d'Austerlitz, mais de Montereau pour ce week-end. Le soleil de Montereau, nous sommes avec Yves Jégo, le député maire local, et nous parlons de ce qui s'est passé il y a 200 ans, la campagne de France, la dernière campagne de Napoléon. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Nécessaire d'or, des heures de bataille dont je me suis servi aux matins exaltants. Diéna de Friedland, d'Elo de Montmirail, le remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Trois caisses d'acajou aux armes impériales, mon glaive de consul et mes deux lits de camp. Mon uniforme de la garde nationale, les remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Gilbert Bécaud sur Europe 1, à remettre à mon fils quand il aura 16 ans. Nous sommes au cœur de l'histoire de la campagne de France cet après-midi avec Franck Ferrand et votre invité Yves Jégot, député de Seine-et-Marne, maire de Montereau, auteur de la campagne de France 1814 aux éditions Talendi. Et Lucille sur Twitter nous demande, Yves Jégot, comment le peuple a vécu cette période? Voilà une question compliquée, complexe en tout cas. D'abord de façon terrible, les agressions, les meurtres, les ennemis se sont comportés de façon odieuse, les viols, les prêtres brûlés vifs. Oui, il ne faut pas oublier que ces alliés n'étaient pas doux, hein. C'était d'une grande violence. Hein. Un million d'hommes venus de l'Europe de l'Est, dont les Cosaques et tout ça. Dont les Cosaques, il y a beaucoup d'expressions qui sont restées. Cosaquer, violer une femme est venue de ce moment-là. Je suis persuadé que une partie de ce qui s'est passé dans les deux siècles qu'ont suivi notamment des conflits avec l'Allemagne est né dans une forme de haine de l'Allemand, né dans les exactions et les violences de cette époque-là. Et donc il y a un mot qui est resté aussi, qui est très célèbre, c'est bistrot, hein, tout simplement, puisque tous ces Russes qui entraient sur le territoire disaient, quand ils arrivaient dans les auberges, bistro, bistro, ce qui en russe veut dire vite, on est pressé, et c'est resté un bistrot pour parler d'un troquet. Hein. Il faudrait d'ailleurs faire un dictionnaire des termes issus de 1814 qui sont assez important. Non, le peuple a souffert, et le peuple qui n'était pas forcément enclin au début à mener une nouvelle guerre, et qui en tout cas n'aurait pas voulu ressortir des frontières naturelles du pays, s'est rallié à Napoléon dans ce conflit parce que les armées étaient trop violentes et qu'il y avait une peur terrible des Uhlans, des Cosaques, les fameuses blouses bleues dont je parlais tout à l'heure. C'est une vraie révolte des villageois qui lèvent les armes pour défendre l'empereur et pour défendre la nation. Alors, dans les villes et chez les notables, on défend plus volontiers le frère de Louis XVI, hein, le nouveau roi Louis XVIII, qui donc est monté sur le trône au milieu des alliés, si je puis dire, et par la grâce de Monsieur Talleyrand qui a mené toute cette opération de main de maître, Louis XVIII bénéficie aussi de soutien très important, hein, il faut le dire aussi, même si ce n'est pas un soutien aussi populaire et aussi campagnard, d'une certaine manière. La bourgeoisie, notamment parisienne, la bourgeoisie impériale, qui s'est enrichi avec l'Empire, évidemment, cherche la stabilité et veut sortir du conflit. Et il y a là un soutien très fort pour le retour de Louis XVIII, renforcé d'ailleurs par une vraie volonté des Russes et des Anglais de rétablir les Bourbons sur le trône. On peut imaginer que l'empereur d'Autriche pouvait peut-être lui avoir d'autres visions compte tenu de sa descendance. Mais il est vrai que la trahison des élite fait partie des éléments qui ont empêché cette victoire de 1814. Alors il y a quatre grands aspects que vous évoquez remarquablement dans votre ouvrage, hein, sur cette campagne de France en 1814, sous-titrée L'impossible victoire. D'abord la dimension stratégique. Comme vous l'avez dit, on renoue avec le grand Bonaparte, si je puis dire, avec des batailles dont les noms sont restés célèbres. Alors Montereau, bien entendu, au premier chef, mais il y a eu les batailles de Champaubert, de Montmirail, bien entendu, de Vauchamp. La bataille de Paris, tout simplement. Reims. Les derniers coups de feu ont été tirés à Versailles, il faut le signaler. Il vole de victoire en victoire et d'échec en échec. C'est assez équilibré d'ailleurs. Dans une espèce de jeu, c'est très intéressant de regarder les cartes virevoltant dans toute la partie est de l'Île-de-France et de la France. Et il court après les armées ennemies, qui lui courent aussi après, jusqu'au un moment où les armées décident que ça suffit et qu'elles foncent sur Paris, perturbant d'ailleurs un peu Napoléon, qui pendant deux jours ne comprend plus ce qui se passe. Il n'a plus d'ennemis en face de lui et il ne comprend comprend que trop tard qu'il file vers Paris, il n'arrive pas à les rejoindre. Ça, c'est aussi un de ces drames. C'est la botte secrète. On avait vu les armées étrangères à Paris, évidemment, sous Charles VII. Il y avait les Anglais avec les Bourguignons. On avait vu ensuite les armées s'approcher de Paris en 1557 au moment de la Saint-Laurent sous le règne d'Henri II. C'est arrivé ensuite sous le règne de Louis XIV. En 1709, Louis XIV a vraiment craint que les armées coalisées n'entrent dans Paris, mais ça n'avait pas été le cas. Il faut attendre 1814 pour voir ça, et ça ne se reproduira ensuite que, alors on peut dire en 1871, les Prussiens feront un petit défilé dans Paris tout de même, et puis surtout alors en 1940. Oui, Napoléon à plusieurs reprises s'interroge sur Paris et il comprend au fond que les troupes dans Paris, ce sera fini, ce sera l'effondrement complet. Et il sait à mon sens qu'il a perdu au moment où Paris capitule et où il arrive trop tard et où il pique une de ses fameuses colères pour s'étonner que les Parisiens, et notamment son frère, n'aient pas plus résisté aux troupes ennemies. L'envahissement de Paris dans l'histoire nationale, dans le roman national, est quelque chose d'un traumatisme absolu. Oui, bien sûr. Et on le mesure quand ceux qui ont vécu les troupes allemandes en 1940 sur les Champs-Élysées le racontent. C'est le cœur du pays et c'est le traumatisme suprême. Et il a compris à ce moment-là qu'une fois que Paris était envahi, les choses seraient beaucoup plus compliquées. D'où d'ailleurs sa recherche dans les premiers jours de Fontainebleau, de son exil, d'essayer de reconquérir Paris. Mais alors ça, il sait bien que c'est par là que les choses doivent recommencer. Oui, il aurait peut-être dû commencer par ne pas la laisser conquérir. Mais bon, enfin, ça, c'était facile à dire. Sans doute. Et c'est vrai qu'il a eu un moment une panne de stratège, si j'ose dire, et que pendant deux jours, il n'a pas vu que l'ennemi avait abandonné le champ de bataille et que Blücher s'était réconcilié avec Schwarzenberg et qu'ils filaient tous les deux sur Paris, sous les ordres du tsar, d'ailleurs, qui commençait à trouver que c'était long et qui commençait à craindre qu'il ne triomphe. Alors le troisième aspect, c'est l'aspect politique. Napoléon, qui s'est montré tellement brillant dans cette période, parce qu'on pourrait croire qu'il est lui-même fatigué, usé par toutes les campagnes, et par Leipzig et par tout ce qu'on a vu, pas du tout en fait. Il est là extrêmement présent sur des cartes d'état-major dont il fait littéralement des cours magistraux, mais sur un plan politique, il a constamment une ou deux longueurs de retard sur Talleyrand et sur le tsar Alexandre. On a l'impression qu'il court après des concessions qui finalement interviennent toujours trop tard. Il a mal joué de ce point de vue. Point de vue politique, il y a effectivement à côté du militaire qui a repris la main, il y a la diplomatie, il y a les négociations de Châtillon, il y a Caulaincourt qui est à la manœuvre et il se laisse dépasser. Il se laisse aussi dépasser parce que les trahisons sont là. Et oui. Parce que je pense qu'il souffre terriblement de voir un Murat l'abandonner, de voir la réalité telle qu'elle est. Sa propre sœur l'abandonner, de voir la réalité et qu'il concentre son énergie. Il a 45 ans, il a 20 ans d'une carrière incroyable, son énergie sur le militaire et qu'effectivement sur le politique, il a un coup de retard. Autant il est à l'heure sur le terrain de la stratégie militaire, autant il est en retard sur le terrain politique. C'est ce qui le rend humain. Alors c'est le dernier aspect le plus passionnant peut-être finalement. On retrouve un Napoléon humain dans ces trois mois incroyables, dans ce début de la fin, comme disait Talleyrand. Une humanité, les lettres qu'il écrit à sa femme, la fidélité de sa femme qui lui écrit des lettres d'amour incroyables, C'est une fidélité temporaire. Certes, mais elle est très émouvante. Mais elle est réelle, oui. La dernière lettre en lui disant « Je regrette d'être une femme pour ne vous servir à rien pendant ce combat. » L'homme qui passe au-dessus des trahisons, et puis cette tentative de suicide. En fait, toute une série de petites choses qui, effectivement, font percer derrière l'ogre corse, beaucoup d'humanité. Il est touchant, moi, je trouve, Napoléon. Et les larmes qu'il verse en montant dans le carrosse qui l'emmène de Fontainebleau sont cette touche visible d'humanité. Oui, et c'est peut-être grâce à cette campagne de France et grâce à ces 20 jours de Fontainebleau que Napoléon a pu ensuite entrer dans la légende. Il racontera tout ça lui-même à Sainte-Hélène plus tard, dans le mémorial, dans un certain nombre d'écrits. On peut dire que la légende napoléonienne, elle naît davantage à Fontainebleau, elle naît davantage peut-être à Montreau que sur les grands champs de bataille d'Eylau, d'Iéna et de toutes les grandes victoires de l'Empire finalement. Sûrement parce que nous sommes passés de l'homme d'État désincarné à l'être humain avec ses faiblesses et qu'au fond pour s'inscrire dans l'histoire l'histoire, la force ne suffit pas, il faut aussi avoir cette face-là, et puis qu'il l'a dans le génie de la communication politique, dirait-on aujourd'hui qu'il l'était, qu'il l'a formidablement mis en scène lui-même, il a écrit aussi cette légende, mais sans ces trois mois, sans cette autre guerre 14, dont on ne parle pas assez à mon goût, eh bien, sans doute que Napoléon n'aurait pas autant marqué les esprits deux siècles après. C'est vrai que 2014 est l'année du centenaire de la Grande Guerre, mais c'est aussi l'année du bicentenaire de cette campagne de France que vous racontez, Yves Jégo, dans cet ouvrage sous-titré « L'impossible victoire ». La campagne de France est éditée chez Talendier. Je me suis beaucoup inspiré pour le récit, vous l'aurez compris, de l'ouvrage de Thierry Lenz, « Les 20 jours de Fontainebleau » sur la première abdication de Napoléon. Ça, c'est dans la maison d'en face, si je puis dire, c'est chez Perrin. Et puis, je tenais à souligner de Jacques-Olivier Boudon, qui est souvent venu nous rendre visite ici, Napoléon et la campagne de France en 1814. Ça, c'est chez Armand Collin, importante bibliographie pour ce bicentenaire. Dans un instant sur Europe 1, vous répondrez Franck Ferrand à la question de Cédric sur les origines du découpage du territoire en département. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Cédric qui nous l'a envoyé par mail via le site internet d'Europe 1. Cédric veut savoir comment s'est passé le découpage de la France en départements. Entre parenthèses, je dis ça tout de suite à Cédric, vous savez qu'au moment dont nous parlons dans la plus grande France de Napoléon, on est allé jusqu'à 130 départements en 1810. C'est redescendu en 1815, donc après tous ces soubresauts, c'est redescendu à 86 départements. Et vous savez qu'aujourd'hui, nous avons 101 départements en France. D'ailleurs, les subdivisions actuelles, notamment les fameux arrondissements sur lesquels on parle tellement parce que c'est l'objet de toutes les lois électorales, etc. Tout ça date de 1800. C'est la loi du 17 février 1800. On disait à l'époque la loi du 28 pluviose en 8 qui prévoyait 4 niveaux de division territoriale, département, arrondissement, canton et commune. Vous savez que beaucoup plus tard, on installera la région à la fin des années 50 qui prendra une importance considérable dans les années 1970. Alors d'où viennent ces départements, pour essayer de répondre tout de même à la question qui nous est posée, eh bien, le tout premier à y avoir songé, quand je dis le tout premier, en tout cas c'est dans l'entourage de Louis XIV et disons-le de Colbert que la question s'est posée. On était en 1665 et l'idée était de créer, de découper la France déjà en départements. Le terme est employé pour des raisons essentiellement fiscales et un peu plus d'un siècle plus tard, en 1787, un édit de Louis XVI recommande la division des provinces du royaume, qui sont des entités beaucoup plus grande, dans des départements plus petits qui verront le jour alors évidemment à la faveur de la Révolution. En septembre 89, c'est une idée de l'abbé Sieyès, n'est-ce pas, qui va être reprise par Touret, qui présente un projet de division territoriale du royaume à l'Assemblée constituante. Il prévoit la création de 80 départements avec une logique de découpage purement géographique. Et vous savez que pour caler, si je puis dire, la taille des départements, on avait mesuré tout simplement la distance que pouvait parcourir un cavalier en une journée. Il fallait qu'une nouvelle puisse aller d'un bout à l'autre du département dans la journée. Eh bien, voilà comment ont été créés les départements par la loi du 26 février 1790. À l'époque, il y en avait 83.